Por amor eu cansancım sen olsaz öyle kokunayı. Papa qui m'a bien. Tu dois rien à personne. Vous allez qui n'a ni mon papa y a dit dit. Pour le midi. Papa qui m'a bien. Motema moto yo itani bolingo. Kasi mi soleye itani komona. Papa oyo a komisa yimoto. Alors que Mon père est merveilleux. Mon père, c'est l'étoile du jour, le bouclier, le père de la paix. Makeleli, vraiment. Makeleli. Motoyo motemana yetundi bolingo. Kasimi sona yezangi komona papa. Koyalingai. Papa, otike na la pasi. Mama nye te kano kole lae. Mama nye simaka kandete. Kata izate na dusari ya loboko. Ya papa shala. Pula vi. Papa ye ye. Pula vi papa. Pula vi papa.